Vous écoutez France Culture. Deuxième temps d'une semaine raccourcie de la Fabrique de l'Histoire, une semaine en trois volets seulement, donc consacrée au sport féminin. Lundi, nous avons pu entendre le témoignage de Chantal Joanneau. Elle est ancienne ministre des Sports, 12 fois championne de France de karaté kata. Elle nous a raconté comment elle était venue très jeune, parce que sa famille était sportive, à ce sport, mais également comment elle avait pu connaître, au fur et à mesure où elle avançait dans sa carrière de sportive, des résistances, en particulier de la part des instances fédérales parfois, ou aussi du regard de la société porté sur... ce sport, cette pratique sportive, la façon dont ce sport était peu valorisé dans d'autres instances que les instances purement donc fédérales. Demain, nous traiterons de la naissance du sport féminin au tournant des 19e et du 20e siècle. Et aujourd'hui, c'est le jour du documentaire, exceptionnellement, ce mercredi. Donc un documentaire signé Séverine Yatar et Véronique Samouilov qui nous plonge dans le cœur des années 80 avec l'émission Gymtonic, la fièvre du dimanche matin, une émission sur Antenne 2, tous les dimanches matins à 10h. À l'époque, animée par une blonde et une brune, Véronique et Davina, qui a eu un immense succès dans la France des années 80, la naissance de ce qu'on appelait alors l'aérobic. Et c'est ce que raconte donc ce documentaire signé Séverine Yatar et Véronique Samouilov, avec les témoignages de Véronique de Villèle, de Pascal Breugnot, de Béatrice Augier, de Régine Cano, de Marie-Christine Debours. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Prendre du plaisir à faire de la gymnastique. Si on n'aime pas la gymnastique, tout simplement sauter à la corde. Vous avancez le pied droit, le pied gauche, le pied droit et le pied gauche. Continuez, c'est bien. Laissez le buste droit. Gymtonic, la fièvre du dimanche matin. C'est tout là. Dès que les femmes entendaient ça dans l'appartement de leur maison, elles arrivaient. Allez, on court sur place. Tranquillement, souplement, en respirant et en soufflant. Allez, encore, posez bien les talons. Les mouvements s'enchaînent à une cadence démentielle, séquence précise et intense. Les corps se plient, se délient sur un rythme endiablé. Tous les dimanches matins, à 10h sur Antenne 2, Véronique et Davina, la blonde et la brune, invente l'énergie beauté par petit écran interposé. L'émission débute en septembre 1982 et remporte immédiatement un grand succès. Des millions de fans pratiquent régulièrement cette gymnastique dansée ou la regardent comme une comédie musicale. Chaque cours est un peu la répétition d'un spectacle. L'ambiance est joyeuse, il y a de la musique entraînante, des tenues toujours colorées et puis ce toutou-youtou du générique qui se fredonne toute la journée. Sur la base d'un échauffement pour danseurs classiques professionnels, Véronique et Davina font travailler les épaules, le cou, la taille, les chevilles, les poignets, les cuisses pour assouplir, muscler, sculpter le corps avec grâce. En soufflant et en respirant et en posant les talons au sol. L'émission débute avec un échauffement, jogging. Puis, les mouvements sont expliqués les uns après les autres avant d'être réalisés harmonieusement sur le plateau télévisé en compagnie d'une dizaine d'élèves. Ce sont les femmes, toutes générations confondues, qui vont se montrer les plus enthousiastes pour suivre ces cours de gymnastique à domicile, seules, avec des amis ou avec leurs enfants. Le succès est phénoménal et inattendu. 600 000 cassettes de remise en forme vendues et 20 000 lettres de remerciement reçues en 5 ans d'émission. Alors Véronique de Villèle, dites-moi tout. La gymnastique, la danse, la question du sport, du corps, est-ce que c'est quelque chose qui est présent assez tôt? Alors, dans ma toute petite enfance, j'étais d'abord très sportive. Je bougeais de tous les côtés. Je faisais beaucoup de natation. Notre père nous a appris, et notre mère, à nager avec mes frères très tôt. Je faisais, partais avec mes parents, je faisais du ski, je montais à cheval, voilà. Et puis après, j'ai fait de la gym comme tout le monde à l'école et au grand désespoir de mes parents, j'étais première. Première en cette matière, c'est-à-dire je crois que j'ai jamais été deuxième. Et ce qui désespérait tout le monde, mais moi j'étais ravie. Et puis après, j'ai fait de la danse. J'aime le groupe, j'aime la collectivité, j'adore la compétition, bien entendu. Puis la gym a toujours fait partie de ma vie. Puis voilà. Je suis tombée dans le sport très petite, enfin très jeune, vers 8 ans. Comme j'avais été malade et que j'avais eu la poliomyélite, on me demandait de faire beaucoup de rééducation. Marie-Christine Debourse, ancienne championne de France de saut en hauteur et de pentathlon. Donc de la rééducation, je suis passée à la kinésie avec un prof de gym. De prof de gym, je suis passée à des petits entraînements dans le patronage de mon village, jusqu'à l'arrivée à l'école en sixième au collège, où là j'ai rencontré un professeur d'éducation physique qui était très axé sur le sport, qui nous a entraînés vers la compétition. Cette compétition a fait que j'étais repérée par un vrai entraîneur de club. Et puis, de fil en aiguille, je gagnais les compétitions, je gagnais les championnats départementaux, puis les championnats régionaux, puis voilà. Et puis, cet entraîneur m'a entraînée pour être championne de France. Et cette année-là, j'étais en quatrième, j'étais championne de France cadette. Il est vrai que de moi-même, je n'y serais jamais allée. Mes parents n'étaient pas du tout sportifs. S'habiller en jogging à l'époque, c'était même inconvenant. Ma grand-mère était très choquée de me voir en jogging quand j'avais 15-16 ans. Aujourd'hui, bon, c'est la tenue de la rue, mais à l'époque, non, c'était très inconvenant. Les garçons allaient peut-être plus naturellement vers le club sportif que les femmes à l'époque. Donc c'est vrai que cette opportunité, elle m'est arrivée un peu contrainte et forcée. C'est pas une démarche personnelle, c'est l'extérieur qui est venu me chercher. Août 1975. La femme n'est pas l'égale de l'homme dans le sport. Et pour des raisons qui ne dépendent pas d'elle, depuis l'école jusqu'à son âge adulte, elle rencontre des obstacles quand elle veut pratiquer tel ou tel sport et qu'on ne prétende pas, avec un sourire entendu, que la féminité s'accommode mal des rigueurs de l'entraînement sportif ou de ses conséquences. Deux jeunes femmes, qui sont aussi des championnes, viennent de présenter un rapport sur le sport féminin dans lequel elles ne mâchent pas leurs mots et leurs critiques. Elles rappellent que la société masculine n'admet pas les sportives car elles font partie, comme Simone de Beauvoir le disait d'ailleurs il y a longtemps, des femmes les plus émancipées. Vous voyez, j'ai lu votre rapport. Mademoiselle Debourse et Decourse, je vous cite à travers l'activité physique, c'est une citation, elle est intéressante même si elle est longue. À travers l'activité physique, la femme établit une nouvelle relation avec son corps qui échappe à celle que l'homme lui attribue. Son corps n'est plus seulement un moyen de reproduction ou un objet de désir, mais elle se le réapproprie comme moyen d'expression. La venue des femmes au sport passe par une prise de conscience même de leur corps. Est-ce que le sujet mérite de telles citations ? Michel Decouste. Moi, je pense que c'est très important parce qu'on ne peut pas parler du sport sans parler du contenu du sport et sans parler de l'envie ou du plaisir de faire du sport. Je pense que ce qui a été un problème pour les femmes, c'est non seulement leur éducation qui ne les a pas poussées à faire du sport, parce que très bêtement, quand les enfants sont énervés, on envoie le garçon faire du foot ou du rugby dehors et on garde la fille à la maison. Ensuite, à l'école, je ne sais pas si c'est très stimulant de faire de la gymnastique dans une salle étouffante où il y a 30 personnes qui attendent pour sauter en hauteur, monter à l'espalier, faire une roulade, et ceci pendant 10 ans. Et enfin, à l'âge adulte, elles sont non plus pas très stimulées pour faire du sport. D'abord, elles n'ont pas beaucoup de temps parce que souvent elles cumulent les charges familiales et la vie professionnelle. Et ensuite, l'image du sport qui leur est présentée, surtout une image masculine. Enfin, quand on regarde ce qui se passe à la télévision ou les informations qui sont diffusées par les radios, on parle surtout des résultats en football, en rugby, des résultats plutôt spectaculaires. Et alors, comment ça se passe? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles, il n'y a pas beaucoup de femmes. À l'époque, on n'était pas très nombreuses. Je me souviens, quand nous avons défilé à Munich, on devait être 20 filles, en tout et pour tout. C'est-à-dire, non seulement l'athlétisme, mais en représentant toutes les disciplines, ce qui ne faisait pas beaucoup. Aujourd'hui, l'équipe de France, de toutes les disciplines réunies, quand elles défilent aux Jeux Olympiques, elles sont quand même beaucoup, beaucoup plus importantes. Non, c'était vraiment le début du sport féminin. On avait une championne avec Colette Besson, qui a été vraiment la révélation. Il y avait eu Marie-Vonne Dupureur, Mais bon, derrière toutes ces grandes championnes, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Moi, quand j'ai commencé le saut en hauteur... J'ai fait les championnats de France à Colombes. Je ne sais pas, on devait être 40 dans les tribunes. C'est-à-dire, c'était les parents, le gardien du stade et les entraîneurs. Quoi. Et c'est tout, il y avait personne. Ça n'intéressait personne. Il y avait un stade qui n'était pas très loin de chez moi, où le LOSC jouait. Donc, c'était le club du football. Puis, ce stade a été détruit pour construire un vrai stade de football. Et l'athlétisme a été jeté aux orties. Et du coup, on s'est retrouvé dans un stade à 30 km, enfin, peut-être pas 30 km, j'exagère un peu, mais à moins 20 km de chez moi, où je devais prendre mon vélo pour aller m'entraîner. Donc, j'avais les 20 km en vélo à aller, 20 km en retour, plus l'entraînement. Donc finalement, sans m'en rendre compte, que je me suis entraînée beaucoup plus que les autres. Et à cette époque aussi, Marie-Christine de Bourse, donc 74-75, vous allez travailler, enfin rédiger un rapport sur la question du sport féminin, au moment justement où il y a le secrétariat d'État à la condition féminine qui est dirigé par Françoise Giroud. Ça veut dire qu'on commence à s'intéresser à cette question du sport féminin. C'est vrai, bon, parce que... Il est vrai que là, je commençais à faire parler un petit peu de moi. Les médias s'intéressaient à moi parce que j'étais la seule fille qui faisait vraiment de la compétition. J'avais déjà battu plusieurs fois le record de France de 100 hauteurs. Et donc, ça attirait bien sûr le regard des politiques en disant « Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce sport féminin ?» Et donc, Françoise Giroud m'avait demandé si je ne voulais pas faire un état des lieux un peu de ce qui se passait dans le sport féminin. C'était vraiment le grand désert à l'époque. C'était quoi les grands points que vous aviez? Alors, les grands points, c'était dire d'abord, il faut ouvrir les clubs à des sections féminines. Il faut faire rentrer des entraîneurs féminins dans ces clubs. Il faut essayer d'avoir aussi, j'avais déjà parlé à l'époque, des garderies, parce qu'il y avait des femmes qui étaient mère de famille et qui aurait aimé faire du sport. Finalement, c'est pas parce qu'on a eu deux ou trois enfants qu'on ne peut plus faire de sport. Madame, vous êtes la présidente de l'Amical Club Champenois de gymnastique volontaire. Oui. Depuis combien de temps existe cette amicale? Eh bien, depuis octobre 1969. Madame, quel est le but de la gymnastique volontaire? Ce n'est pas une gymnastique compétitive, mais c'est seulement une gymnastique où l'on vient pour s'entretenir, pour se détendre physiquement, moralement. Travail abdominal et dorsal en cercle. Derrière, le sport n'est pas bon pour la féminité, il y a le problème du corps féminin. Michel de Couste, puis Marie-Christine de Bourse, août 1975. On veut bien, on a encore effectivement des vieux clichés, on veut bien que la femme serve à faire des enfants ou soit une courtisane. Ah oui ? Mais on a du mal à admettre qu'elle trouve dans son corps un moyen d'expression, un moyen de plaisir. Et je pense qu'à travers le sport bien conçu, elle peut retrouver un moyen de plaisir. Et un moyen d'expression. À ce sujet, je voudrais mettre au point quelque chose en parlant de sport et féminité. Il y a dans le mot sport deux choses totalement différentes. Il y a l'éducation physique, le sport de loisir et le sport de compétition. Le sport de compétition n'a absolument rien à voir avec le sport comme le pratiquent certaines femmes, par exemple la gymnastique volontaire, où elles s'entretiennent physiquement, où elles font 2 heures, 3 heures grand maximum d'éducation physique, c'est-à-dire des assouplissements, des abdominaux, etc. Au contraire, ce genre de sport améliore la silhouette, ne peut que l'améliorer. C'était l'époque de la gym volontaire. La gym volontaire. C'était des femmes qui se réunissaient entre elles et qui prenaient un professeur, qui faisait ça dans les salles des fêtes, dans les patronages, ce qu'on appelait les patro-clubs. Bon, donc c'était... on essayait de développer un peu ça à travers la gym volontaire. Et puis, petit à petit, le privé est arrivé, a pris le train en marche en disant « Tiens, il y a peut-être un phénomène là. » C'est vrai que ça a commencé à bouger. Et puis, les salles de gym se sont ouvertes petit à petit et même de façon importante dans les années 80. C'était qui alors? C'était les années 80, c'était justement les gymnastes clubs, c'était la salle des Champs-Élysées, c'était les... En province aussi? En alors province, il y a eu, la province a pris le train en marche aussi. Enfin, derrière Paris, après, il y a eu d'abord des très grosses salles à Paris. Moi, je me souviens avoir donné des cours à la salle des Champs-Élysées devant 150 personnes. On était sur des podiums. On avait bon, c'était... Et effectivement, il y avait entre-temps Gym Tonique, qui avait fait un tabac et qui avait aussi lancé cette, qui avait aidé tout ce privé à se construire. Ça a été un phénomène publicitaire extraordinaire pour toutes les salles de gym qui se sont ouvertes à ce moment-là. Allez, tirez loin derrière les bras. Attention de ne pas arrondir votre dos. Surtout ne cambrez pas vos reins. Et tirez-vous. Ma rencontre avec Davina, elle a d'abord été très très importante pour moi. Lorsque je l'ai rencontrée dans un cours de danse, on travaillait chacune indépendamment, etc. Et elle préparait un grand concours de chorégraphie pour la Suisse. Et elle m'a dit, tu corresponds pile à la danseuse que je recherche. Est-ce que ça t'amuserait? Je lui ai dit, bingo, allons-y. Et on a eu le troisième prix, je crois, oui, deux ou troisième. Et dans le jury, c'était Claude Bessy et Serge Liffard. Donc c'était les grands noms de la danse. Ça a été extraordinaire. Après, Claude Bessy nous a convoqués chez elle, c'est aussi complètement surréaliste, dans sa maison. Elle voulait revoir la chorégraphie que nous avions dansée à Nyons, en Suisse, et elle était sûre de son coup. Elle nous dit, bon, bah, ok, si vous êtes d'accord, vous allez aller danser ça au Capitole à Toulouse. Donc ça a été un moment tout à fait exceptionnel pour nous. Et puis ensuite, quand on est revenu du Capitole, on s'est dit, mais franchement, écoute, nous, quand on s'échauffe, on fait 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et... Alors qu'en danse classique, c'est et 1 et 2, plié et tendu. Voilà, donc on a fait notre petite sauce à notre tempo et à notre rythme à nous. Et puis on a dit, bah, on va trouver un local, ce qu'on a trouvé. Moi, j'habitais dans le 16e et Davina aussi, donc on a pris une rue entre nos deux adresses, c'est-à-dire rue Nicolo, 66 rue Nicolo. Et c'était un sous-sol avec un monsieur qui vendait des jeans. Qui était l'entrepôt de ses jeans. Et il m'a dit, bon, écoutez, si vous voulez, j'ai deux pièces énormes, j'en dégage une de mes jeans et je vous loue celle-là. On s'est installé, on a été chez un copy-top, on a été faire des tracks, personne ne nous connaissait, hein, bien entendu. Et on a fait très prétentieusement des flyers, des tracks, en mettant Véronique et Davina, alors que personne ne savait qui on était, évidemment, cours de musculation work. On s'est dit, c'est le travail du muscle en anglais, ça va impressionner les gens dans le quartier. Dès demain matin, 9h. Et on a eu trois personnes, la concierge de l'immeuble, une de ses amies, ma maman et le fils de Davina. Et puis ça s'est répandu, mais très très vite, à une vitesse hallucinante, dans l'immeuble, dans le quartier, dans la rue, etc. Et en à peine une semaine, on avait 100 personnes dans le cours. En réalité, ça commence aux Arcs, où je les rencontre, elles sont en vacances. Et elles sont rigolotes, me racontent qu'elles ont des cours de gym dans une salle à Paris. Béatrice Augier, attachée de presse de la station des Arcs. Et après ma saison aux Arcs où je travaillais, je décide d'aller à leurs cours, qui étaient géniaux. Petite salle, rue Nicolo, avec genre 12 ou 15 personnes, et avec beaucoup d'ambiance. Et à l'époque, moi ça m'a beaucoup parlé. D'abord j'étais extrêmement sportive, donc il y avait des évidences. Et j'avais passé un peu de temps à Carmel, en Californie, et où j'avais découvert pour la première fois des gens faisant du jogging avec un bandana dans les cheveux. J'avais adoré ça, j'ai trouvé ça formidable. Je skie toujours avec un bandana, d'ailleurs, à l'époque, que j'avais rapporté des États-Unis. Et aux Arcs, ils ont très, très bien su développer les vacances d'été à la montagne en créant les premiers stages de tennis, je pense, qui étaient vraiment des gros stages de tennis. C'était Patrice Dominguez qui avait installé ça. Il y avait 20 ou 30 cours de tennis, et c'était le début de cette envie un peu frénétique qu'il y a eu pour tout le monde de se réapproprier son corps et de faire du sport. Et on avait des hordes de gens, même de 30 ou 40 ans, qui n'avaient jamais fait de sport et qui venaient en été pour faire leur semaine de stage de tennis. Il y avait en même temps des stages de danse, des stages de musique. En plus, on jouait au golf, il y avait un beau golf. Donc, c'était en réalité, les Arcs à cette époque-là ressemblaient à une sorte de grand camp d'entraînement. Are you ready for your prime time workout? Stand with your feet a little more than hip distance apart and slightly turned out. Stretch your torso up tall. Arms are at your sides. Les Arcs est la station, je crois, de sport d'hiver. Régine Cano, pour le magazine mensuel Vital. Qui ont commencé à organiser comme à UCLA aux États-Unis, chez Jeanne Fonda. And exhale. L'on voyait des gens courir partout dans la forêt, sur les rues. Jamais j'avais vu ça en France. On allait l'été pendant 2 mois. Il y avait aussi bien de la danse classique, des cours de gymnastique, des cours de tai chi, des cours de sophrologie. Dans la montagne, on partait faire des marches. Il y avait les fameux parcours santé. Chaque grand hôtel, finalement, avait organisé un parcours santé. ça existait aux États-Unis. Il y avait déjà Jane Fonda. Et puis, il devait y avoir deux autres choses. C'est que moi, j'étais en Californie, les gens faisaient du jogging. Ici, on n'en faisait pas. Enfin, c'était... voilà. En France, il y avait des cours de gym. On faisait du ski. On faisait... on a commencé à faire du tennis dans ces années-là de façon un peu plus organisée. Mais c'était soit élitiste, soit un peu basique. On jouait au basket. On faisait de l'athlétisme à l'école. Bon. Mais cet accès... au plus grand nombre, avec cette envie de, voilà, de sentir son corps. On a commencé à cette époque-là à faire un peu plus attention à ce qu'on mangeait, à se dire, voilà, j'ai envie d'être musclée, de pas trop grossir, d'être en forme, quoi. Ma mère, elle s'est pas posé la question de savoir si elle allait faire de la gym, être en forme. Donc on était sûrement la première génération... En plus, on est un produit des années 68, quand même, toutes celles qui ont été dans ces années-là. On était dans une vraie réappropriation de notre corps. La pilule, le droit de coucher avec qui on voulait, quand on voulait, qui était quand même un vrai truc. Et se dire, voilà, mon corps, j'en fais ce que je veux. Donc, je vais essayer de le gérer et de faire en sorte qu'il aille le mieux possible. Et c'était surtout aussi l'époque où on commençait à se sédentariser de façon incroyable. Marie-Christine de Bourse. Les gens commençaient à se mettre derrière les ordinateurs des journées entières. Et il y avait un vrai besoin. Je pense que la sédentarisation de notre société a fait aussi que les gens ont cherché à compenser ce manque de mouvement et ce manque de sport qui était devenu leur vie dans l'entreprise ou dans leur vie professionnelle. Donc il y avait aussi une vraie demande et un vrai besoin qui s'est créé de plus en plus et qui ne se dément pas aujourd'hui. Ça continue. Ouvrez la poitrine, dégagez jambe gauche. Tout le poids du corps, il est sur la jambe de terre. Bravo Aurélie. Et là, regardez. Taquet, taquet, taquet, taquet, taquet, taquet. Les années 80, les gens parlaient de santé, de bien-être, de bonne forme, de bien se nourrir et de bien se porter, en fait. Véronique de Villèle. C'était un début de prendre conscience qu'avec un bon cou, on pouvait se sentir mieux. Avec une bonne tenue, on n'aurait plus mal au dos. Avec des vêtements souples et allégés, on aurait... Enfin, tout avait une espèce de petite raison dans ce qu'on a fait. On était dans l'air du temps, voilà, mais on n'a pas dit « Oh là là, il y a un créneau, vite, vite, sautons dessus », puisque ce créneau, on l'a nous-mêmes construit sans s'en rendre compte, en fait. Voilà, je dirais ça. Assis, à genoux, à plat ventre, sur le dos. Les jambes jaillissent, tendues au maximum, se replient. En intense contraction, les bras formant les parallèles nets. Pendant une demi-heure, j'assiste ébahi à cet étrange ballet au sol, dont aucune minute ne semble laissée au hasard ou au repos. Des visages harassés, la sueur dégouline, en traces sombres sur les collants et les t-shirts pastels. En 3 secondes, ils sont tous à la barre et décrivent avec leur corps des arcs précis et rapides. Secouée par 80 mains, la barre vibre d'une manière inquiétante. Vital, décembre 1981. Vous, voilà, vous proposez quelque chose de nouveau. D'où ça vient et qu'est-ce que vous proposez? Alors, ce qu'on propose et d'où ça vient, en fait, c'est de notre ressenti à nous. On s'est dit, c'est idiot, on a tellement de monde dans les cours, ça se passe tellement bien, les gens étaient mais fous de bonheur. Ils transpiraient, ils maigrissaient, ils avaient chaud, c'était joyeux. Il y avait des musiques, on leur disait de s'habiller, de couper les manches, on leur donnait des modes d'emploi pour arriver, que ce soit fun et sympathique. On leur disait, n'allez pas dans les magasins de danse dépenser de l'argent, c'est ridicule. Vous prenez un vieux pull-over de vos maris, vous coupez les manches et hop, ça vous fait une guêtre. Un autre pull-over, une autre, hop, une deuxième guêtre. Mettez-vous des bandeaux dans les cheveux, pareil, vous coupez des chaussettes. Et les gens ont fait ça. C'était femme, c'était l'époque de femme, c'est-à-dire qu'à Paris, dans un sous-sol, il y avait 2 nanas inconnues qui faisaient une comédie musicale. Moi, il est arrivé à une époque de passer 5 heures dans la salle à faire tous les cours les uns après les autres. C'est-à-dire qu'il y avait de la barre au sol de Véronique, il y avait des cours qui étaient plus aérobiques, etc. Et je restais la journée entière parce qu'il y avait une chose qui était d'un dynamisme, il y avait une énergie incroyable. Dès que je les ai connus, mais très vite, on s'en apercevait, c'était pratiquement une association improbable, tellement elles étaient différentes. Une assez mystérieuse, très profonde, s'exprimant peu, qui était Davina, et avec une formation danseuse très classique. Véronique était un personnage totalement extraverti, qui parlait beaucoup. et toutes les deux assez magnifiques. Si vous les voyez sur les photos, elles étaient ces deux petites bonnes femmes, qui étaient ni l'une ni l'autre très grandes, très musclées, toutes les deux un beau sourire, un beau regard. Elles avaient une belle énergie. Et c'était pas deux immenses pin-up, mais il y avait un vrai truc. Qui avait beaucoup de charme et on le sentait. Et puis, elle nous faisait passer une envie qui était une envie à l'époque qu'on recherchait sûrement sans savoir où. Voilà, on avait envie de ça. Mais quand je dis on était très nombreuses à avoir envie de ça. La preuve, c'est le succès qu'elles ont eu à la télé. Je m'appelle Véronique, je m'appelle Davina. Je m'appelle Véronique, tu t'appelles Davina. Davina et Véronique. On est l'opposé l'une et l'autre. Si j'aime une veste rouge, Davina va la détester. Si j'aime un restaurant, elle ne va pas l'aimer. Si elle aime un truc, je vais le détester. Je crois qu'on n'a rien en commun, sauf le culte de l'amitié, déjà, ce qui est très important, et le travail. C'est-à-dire qu'on a une synchronisation quand on donne un cours. À la limite, on ne le prépare même pas. On sait exactement par rapport au tempo de la musique, qui est un support pour nous très, très, très, très important, comment va être dirigé le cours. Je démarre un mouvement, Davina fait le deuxième. Donc il y a cette synchronisation, cette harmonie entre elle et moi, que je suis sûre que je ne retrouverai jamais avec personne d'autre. Jamais. Il y a un truc qui se passe, et comme sur les tournages, quand le metteur en scène disait « Véronique et Davina, attention, moteur, une, ça tourne », on enchaînait, on ne savait même pas qui allait dire le premier bonjour. On se chevauchait pas. Et le bonjour, à toi, les éclats de rire. Et on est toujours une qui rattrape l'autre. Donc il y a une espèce de... C'est inexplicable. On m'envoyait pour tester les cours, pour voir. Régine Cano. Je donnais donc mon avis. Et c'est vrai que je suis sur la demande de Béatrice, qui a été la Béatrice Beuchet, donc l'attachée de presse des Arcs. Béatrice Augier aujourd'hui. Voilà, qui est la première à avoir remarqué ces deux filles, Véronique et Davina, qui étaient donnaient des cours. Elles revenaient des États-Unis, donc elles avaient pris des idées de ce qui se passait aux États-Unis. Elles avaient tout à fait raison, ça commençait à bien marcher, c'était drôle, il y avait une musique très dynamique. On sortait du cours essoufflé, excité, mais... Bon, on avait bien rigolé. La première fois où j'y suis allée, nous étions peut-être une quinzaine dans la salle, une salle de gymnastique normale, avec des tapis au sol. Rue Nicolo alors, hein ? Rue Nicolo. Et à la suite, effectivement, du reportage que mon mari a fait avec André Perlstein et Annick Post, je crois, à l'époque, environ 15 jours après, elle demandait d'abattre une cloison dans cet endroit pour que les salles soient plus grandes. Et je me souviens, nous étions, je ne sais pas, peut-être 60, 70 dans ces salles, au cours de gymnastique de Véronique et Davina. Voilà. Elles sont en gros plan. Il y a du rose, bleu, rouge, jaune, vert. Les chaussettes sont toutes différentes des t-shirts. Il y a une joie de vivre. Elle représentait aussi la joie, le tonus. Tonus, il ne faut pas oublier ça. Prendre du plaisir à faire de la gymnastique. Vital, décembre 1981. 8 francs, numéro 15. Nous avons mis au point la technique en ayant en permanence dans la tête le corps idéal. C'est-à-dire musclé, ferme, souple, mais pas monsieur muscle. L'autre chose importante, c'est de faire travailler tout le corps. Les épaules, le cou, la taille, les chevilles, les poignets. Il n'y a pas un groupe de muscles qui ne soit pas sollicité. Et je peux dire qu'il est au point en voyant les résultats sur mes élèves. Certaines qui venaient en training informe pour masquer la guimauve arrivent maintenant en maillot académique Parme moulant et n'ont rien à envier, question silhouette, à quiconque. C'est quand même grisant quand une élève me dit « Regarde mon ventre, c'est devenu du béton ». Et c'est comme ça qu'on a réellement démarré, et avec une journaliste qui est venue nous voir, qui avait entendu parler de deux folles qui donnaient des cours en musique, tonitruant au Trocadéro, et elle est venue nous voir en nous disant « Écoutez, je suis journaliste, je suis en train de faire une enquête dans tous les cours d'expression gymnique et corporelle, on m'a parlé de votre cours, est-ce que vous permettez que je le regarde ? Et nous, on dit, mais bien sûr, madame, regardez-le, je vous en prie. Elle l'a regardé, à la fin du cours, elle était mais médusée, mais vraiment mais scotchée. Puis on voit le rapport des gens quand ils regardent un truc, si ça leur plaît ou pas. Elle dit, écoutez, je reviens demain avec mon rédacteur en chef. Et son rédacteur en chef était rédacteur en chef d'un journal qui, à l'époque, c'est il y a longtemps, c'était en 81, il s'appelait Vital. Et Vital, à l'époque, c'était le journal qu'il fallait avoir quand on se prenait dans le métro. Toutes les petites jeunes avaient Vital. C'était super bien d'avoir Vital. Je dis, ben, je vais vous faire, on va vous faire une double dans Vital. Parce que là, ce qu'on a vu, c'est extraordinaire, cette énergie que vous donnez. Et on s'est retrouvés non pas avec une double page, comme elle nous l'avait dit, mais avec 17 pages. C'était pratiquement un numéro complet sur nous. Et les deux titres qui nous ont suivis toute notre vie, parce qu'ils ont été repris 50 fois, c'était un gros plan de moi très éclatant de rire. Davina, pareil. Et en titre énorme, il y avait Véronique et Davina, elles inventent l'énergie beauté. Et de ce truc-là, ça a été une déferlante. Et la télé est arrivée. Ce journal est tombé sur le bureau de Pascal Brogniaux à France 2. Et puis pareil, elle nous a envoyé quelqu'un qui est venu, qui s'appelait Colette Lelay. Je veux vous voir, on nous a convoqués à la télé tout de suite. Mais ça a été à une vitesse, mais c'était surprenant. Et pendant ce temps-là, les cours ne désemplissaient pas. C'était le moment qui était révolutionnaire aussi. Hein. C'est-à-dire que d'un coup, Pierre Desgros prend Antenne 2 en main. Pascal Brogniaux, directrice de programme à Antenne 2. Et tout d'un coup, il y a un dynamisme, il y a une volonté de changement, de devenir la chaîne moderne, qui fait que c'est... Moi, je sais en même temps, Jim Tonic, c'est en même temps, Six Choses, en même temps. C'est que des émissions comme ça qui visaient à attaquer des secteurs où on n'allait jamais, ou qui étaient des secteurs très, en général, tenus par des hommes, disons. Un jour, on me présente ces deux filles, elles étaient vraiment toniques, elles étaient drôles, elles avaient des couleurs, moi j'adore les couleurs, et je vais les voir à leur cours, et on commence à réfléchir pour voir qu'on pouvait faire à l'antenne. C'était tellement... Ça obligeait à bouger, si vous voulez. Ces filles étaient positives, terriblement positives, cette brune et cette blonde. Et moi, j'ai trouvé que c'était épatant. Et je me suis dit, on va faire une émission de télé avec ça. À 10h25, vous retrouverez Brigitte Simonetta qui vous proposera un panorama complet de cette semaine à venir sur Antenne 2. Mais pour l'instant, et comme chaque dimanche, désormais à la même heure, à 10h, nous allons vous aider à être en forme. Nous allons le faire en musique avec deux jeunes femmes qui vont vous devenir familières. Il s'agit de Véronique et Davina. Alors maintenant, tous en tenue, tous en forme, voici Gym Tonic. On est convoqué, à l'époque c'était rue de Montessuie, à Cognac-G, et Pascal Brogniaux, productrice très, très, très en vogue à l'époque, nous dit, voilà, j'ai vu des émissions de gym et de télé, etc., au Canada, et ce serait formidable que vous refassiez la même chose. Je lui dis, mais attendez, oui, sauf que vous êtes venus nous voir dans nos cours, et que ce que vous nous racontez n'est pas la même histoire que la nôtre. Nous, aujourd'hui, on donne des cours qui font une fureur, les gens faisaient la queue, on refusait, mais c'était un truc, mais... Inexplicable. Et vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut s'habiller en collant noir et qu'il y aura peut-être une pianiste qui fera et 1 et 2 et 3 et 4. C'est l'exact opposé de ce que vous êtes venu voir chez nous. Nous, c'est la joie, l'explosion des couleurs, le fluo, les musiques, etc. Ah, mais oui, mais les Français ne sont pas prêts à ça. Ça, alors s'ils ne sont pas prêts, au revoir madame, et nous on reste dans notre sous-sol et on est très heureuse comme ça et on va danser à droite et à gauche comme on avait l'habitude de le faire. Et elle nous a laissé partir. Et on est revenu une deuxième fois nous chercher, toujours Colette Lelay, adorable. Et là, elle nous a dit, écoutez, je sais ce qu'on va faire pour vous convaincre, on va aller à l'étage, on va être reçu par le président. Et nous, on s'est dit, oh, c'est l'étage à Moquette, c'est génial. Et le président, à l'époque, c'était le président Pierre Desgroupes. Donc on s'est retrouvés, Pascal Brogniaux, Davina et moi, dans le bureau du président Desgroupes, qui a dit, alors, mademoiselle, il paraît que vous luttez avec madame Brogniaux, vous ne voulez pas entendre ce qu'elle vous propose. Mais monsieur le président, on veut entendre tout ce que vous voulez, mais... Nous, nous sommes sûrs de notre coup. Il n'y a pas de raison que ce que l'on fait dans notre fameux sous-sol au Trocadéro ne marche pas pour la dame qui est chez elle, mère de famille à Limoges, ou une autre qui est agent de police à Marseille. Pourquoi ça ne marcherait pas comme on fait nous dans nos cours ? Allez, vous savez ce qu'on fait ? On tourne un pilote, et puis on verra bien. On a tourné le pilote, sans refaire une seule prise, au but de Chaumont, avec Michel Herman, notre réalisateur qui nous a suivis pendant 7 ans. Il est devenu l'émission numéro 1 et on n'a rien changé. Et le lendemain, les standards explosaient à la télé, les journaux, les titres. On a fait, je crois, 27-1, ce qui est un truc de fou quand même. Bonjour, je suis Véronique. J'ai une passion dans la vie, c'est la gym. Et je vais tout faire pour vous la communiquer. Bonjour, je suis Davina. Je partage la même passion que Véronique, la gym. Mais pas n'importe quelle gym, la nôtre. Alors la nôtre... J'avais en tête l'idée de faire avec ça un show de plaisir. Et c'était pour que les femmes soient belles, en forme. Et donc, je voulais qu'il y ait de la couleur, je voulais qu'il y ait de la musique. Et j'avais d'ailleurs été très intéressée dans leur cours parce qu'elles avaient des maillots qui étaient très fluo, très drôles. Enfin, il y avait là-dedans quelque chose qui me plaisait au niveau du spectacle aussi. Et j'ai donc à ce moment-là fait appel à un réalisateur qui s'appelait Michel Hermand, qui était donc un réalisateur de variété. Et c'est là où on a commencé à travailler pour concevoir cette émission qui était de 35 minutes à 45 minutes suivant les périodes. Et tout le monde doit le faire. Allez. On a beaucoup cambergé, un, le décor, évidemment. Un décor toujours pareil, assez riant, mais pas trop présent. Et puis, les musiques. Leur cours était toujours en musique. De toute façon, on n'a rien inventé en rajoutant, enfin, en mettant de la musique sur, les exercices qu'elles proposaient. Mais ça, c'est vrai que c'était un élément qu'on n'avait pas vu avant. Jusque-là, ce qu'on proposait à la télévision pour faire de la gymnastique ou quelques exercices que ce soit, c'était toujours pesant, c'était toujours dur, c'était un travail, ça pouvait être douloureux. Enfin, en tout cas, nous, c'était un plaisir. Donc la musique faisait complètement partie de ça. On avait été chercher un musicien, Alain Goraguer, pour faire le générique. Et évidemment, Alain Goraguer, c'est tout là. Je trouve que c'est un très très beau générique. C'est vrai que ça a beaucoup aidé à la caractérisation de l'émission, cette musique. C'était, tout le monde l'a reconnu tout de suite. Est-ce que vous vous êtes bien chauffé? J'espère que tout le monde l'a fait. Et hein. Elle, quand elle parle directement aux spectateurs, c'est évident qu'elles emploient un vocabulaire, des mots, des phrases très simples, comme si les gens étaient à côté d'elle. Vous voyez. Il fallait, pareil, dans la mise en scène des commentaires, être vigilant pour avoir leur mimique, une complicité, enfin, ce qui fait qu'il y a de la chaleur humaine qui dégage entre un très bon animateur et quelqu'un qui fait passer les plats. Aujourd'hui, quand vous regardez les émissions, les tenues, c'est un vrai élément. Vous voyez que ça change à chaque fois, qu'il y a une recherche dans la couleur de la culotte qui est par-dessus le juste au corps et le collant et que tout ça est mélangé. Je me souviens, je me tricotais des guêtres que après je mettais pour aller faire de la gym avec des rayures de toutes les couleurs parce qu'on avait envie que tout ça soit joyeux et différent de tout ce qu'on avait pu connaître. La façon de s'habiller pour les cours, ça c'était un élément très important. On partait, on tournait une semaine au Butte-Chaumont, on s'installait, on choisissait nous-mêmes les costumes, les couleurs, on décidait pratiquement de tout puisqu'on était aussi animatrice mais coproductrice des émissions, parce que c'est nous qui les avons créées. Ça allait très vite, donc il fallait qu'on aille vite, parce qu'il fallait faire du film. On refaisait pas les prises, parce qu'on était assez pro quand même pour ne pas se planter. On amenait avec nous toujours une équipe de femmes, avec un garçon, avec un petit enfant, etc., pour qu'il y ait un panel de façon à ce que tout le monde puisse se reconnaître. Pendant une semaine, je crois qu'on faisait, on enquillait 5 ou 7 émissions, je me souviens plus très bien. Mais on en tournait plein. Et donc il fallait pas se tromper dans les costumes, il fallait bien... Dans le casting. Dans les costumes, dans les bonjours, dans les dates, les chorégraphies. Alors ça, c'était notre gros travail à nous, c'était ça. C'était le travail qu'on avait en amont avec Davina de préparer les émissions. Attention, on était en bleu la semaine dernière. Là, il faut qu'on soit en jaune. Attention, il y avait le petit garçon à gauche. On va prendre une petite fille maintenant, on va la mettre à droite. Mais ça, moi, je suis très organisatrice. Donc c'était très facile pour moi pour faire. Et Davina, pareil. Donc non, on a... Et puis on se partageait les tâches. Donc c'était extrêmement facile. On savait qu'une semaine, on avait beaucoup travaillé les fessiers, la taille, les hanches. Après, on va travailler plutôt le haut du corps, plutôt le bas du corps. Renforcer les abdominaux. Essayez d'enchaîner tous ces mouvements sans reposer les jambes au sol. 1, 2, 3, 4. En tous les cas, Marie-Christine de Bourse, donc durant cette période, fin des années 70, début des années 80, Antenne 2, puisque Jim Tonic va passer sur Antenne 2, n'est pas la seule chaîne à se dire que ça peut être un bon créneau. C'est une émission de gymnastique à la télévision, puisque vous, on va vous proposer, alors TF1, de faire aussi une émission de gym. Oui, parce que en fait, j'étais rentrée à TF1 comme journaliste sportive, Donc nous, derrière, on était aussi toujours sur ce côté un peu médicalisé, un peu sérieux, attention, faites pas ci, faites pas ça, faites le mouvement comme ci, faites pas... Bon, qui devait peut-être finalement être très ennuyeux pour les femmes qui regardaient la télé. Ça rassurait aussi, c'est quelque part, ça rassurait. Mais on regardait plus Jim Tonic comme un show, même si on ne le faisait pas, on le regardait comme un show. Parce que voilà, vous aviez quand même, vous, même en tant que sportif professionnel, tenté le coup de transmettre, oui. Ce qui n'est pas forcément une évidence non plus, voilà, voilà. Transmettre une pratique à la télévision. Ça veut dire que vous avez des élèves, mais que vous ne les voyez pas. Enfin bon, vous étiez, j'imagine, voilà. Aussi posé la question. C'était ma démarche, effectivement, c'était de transmettre. C'était un peu mon côté prof de gym, hein. C'était de transmettre. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris des gens très connus, comme Michel Drucker, qui se prêtait très bien au jeu et qui est très sportif. Et on a expliqué des mouvements avec la personne. Donc moi, je démontrais le mouvement sur la personne en question. Donc ça, c'était un peu plus pédagogique. Ça s'appelait Téléforme, c'est ça, Marie-Christine Devoir ? Ça s'appelait Téléforme, oui. Et parce qu'il y avait Téléfoot, il y avait Téléforme, et après il y a eu le tennis, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Alors moi, effectivement, j'étais plus dans le sens, plus gym volontaire, avec le côté bien carré de ce que j'avais appris en tant que professeur d'éducation physique. Attention, on ne fait pas ce mouvement-là, parce qu'on pouvait se faire mal, parce qu'on pouvait tordre la vertèbre, la D12 ou la L5. Et moi, on était vraiment très... à la limite du médical. Donc finalement, moi, j'étais un peu bloquée par ça. Et elles n'avaient pas cette contrainte. Elles avaient que le côté joyeux. Allez, on entraîne tout le monde. Et bon, c'est elles qui avaient un peu raison. C'est-à-dire qu'on démarrait l'émission avec des mouvements, on montrait le mouvement séquence par séquence sur telle ou telle partie du corps, et puis après on disait enchaînement. Et là, avec la musique, on enchaînait nous d'abord seuls, et ensuite le plan s'élargissait, et le mouvement était répétitif avec les élèves qui étaient derrière nous, qui étaient donc censés être les téléspectateurs. Donc la construction des émissions de télé, elle était pour apporter aux gens un mouvement pédagogique, et en même temps, une image de spectacle. Ce qui fait qu'à l'arrivée, bah oui, c'est vrai, c'était plus une émission de gym, on fait 1, 2, 3, 4, on s'ennuie à mourir et où on décroche au bout de 3 secondes. La preuve. Général, d'abord, merci d'être venu. Merci d'avoir participé à notre jogging. Et bravo. Je suis très, très fière de vous avoir parmi nous. C'est moi qui vous remercie parce que je vous admire comme beaucoup d'autres, comme beaucoup de vieux à la télévision. 7 kilomètres à pied, ça use les baskets. Mais ça tient la forme, non ? Oui, tous les matins à 6h avec mon épouse d'ailleurs, on se lève, on prend un petit café. Et puis 7 kilomètres de marche rapide, de footing. Notre entreprise était sympathique. Le réacteur, nos deux filles, c'était bon enfant, c'était positif. Et donc il y avait plein de gens que ça amusait. Parce qu'on avait un bon contact avec les gens. On leur proposait de venir faire le cours comme une boutade. Et puis s'ils disaient oui, on était contents qu'ils viennent. Donc on n'a pas fait de gros efforts là-dessus. On n'a pas fait un recrutement pour se dire on veut absolument avoir des gens connus. Au contraire, au départ, j'avais aucune espèce d'envie. On n'en avait pas besoin. Mais il y avait les deux là qui étaient vraiment excellentes et on n'avait pas besoin de gens connus en plus. On a eu des invités de tous les côtés. On a eu des écrivains, on a eu des journalistes, on a eu de tous les gens qui étaient à la mode, qui sortaient une chanson ou un bouquin, etc. Les attachés de presse nous appelaient pour venir. Quand on a eu le général Bijard, c'était magnifique. Mais quand on lui a demandé, général, comment est-ce que nous devons vous appeler ? Parce qu'il était ministre des armées, il avait des titres de tous les côtés, député, ministre, maire, enfin bref. Et je sais qu'une femme ne dit pas mon général, mais général. Et là, il a eu un truc extraordinaire qui est resté, je crois, dans le film. Il nous a pris toutes les deux par l'épaule, il était au milieu de nous. Il a dit, écoutez, mes petites filles, ça va être très simple. Vous allez m'appeler Marcel. Placez-vous, pointe, dégagez les deux jambes, talons en l'air, 1, 2... Ça, c'est net et précis. 1, 2, 1. Alors Martine et Marie-Claude, vous sortez, d'un cours de gym avec Véronique. Voilà, vous, Martine, vous connaissiez Jim Tonic. C'était tout à fait par hasard que je l'ai découvert. J'ai ouvert la télévision et j'ai vu. Puis on entendait aussi souvent le tout-tout-youtou. Et puis bon, un jour, j'ai vu. Et là, j'ai commencé. Alors vous, Marie-Claude Dispan, je l'ai découvert à la télévision. J'ai été fan tout de suite parce que c'était une révolution. Elles ont révolutionné la France entière pour le sport. Ma fille qui était petite, etc. M'en fait, enfin, tout le monde le faisait. Moi, j'habitais un immeuble où il y avait 200 copropriétaires. Tout le monde faisait la gym à cette heure-là. Ça a été une révolution. Alors, on avait des histoires de messe où on y allait avant ou bien la veille. Moi, ce que j'avais fait, j'avais pris leur musique et puis j'en faisais avec des amis. On le faisait à l'occasion d'une association de l'école où ma fille était. On se mettait sur la terrasse avec leur musique. J'avais les cassettes, j'avais les livres, j'avais tout. Parce que les femmes ne faisaient pas beaucoup de sport à l'époque. Hein. C'était vraiment d'avoir le corps qui bougeait, de sentir mieux dans son corps, de sentir plus légère. C'est ça qui... Et puis cette musique était très entraînante, et elle aussi, parce qu'on avait envie un peu de leur ressembler quelque part. Non, non, moi j'ai trouvé qu'elles étaient très gaies. Tu trouves pas qu'elles étaient gaies? Très jeunes, en plus, elles étaient belles. Enfin, elles sont toujours belles. 1, 2, tac, tac. Ça, ça fait des petites billes en acier sous les fessiers. Ça fait travailler les bras pour les femmes, les pectoraux pour les mecs. Mais là, en tous les cas, gym tonique, dans les années 80, on a l'impression que ça s'adresse plutôt à des femmes... Bon, ça veut s'adresser à toutes les femmes, a priori toutes catégories socioculturelles, mais pas tout à fait non plus. On sent que quand même, c'est quand même plutôt la classe moyenne. Enfin, on voit mal, c'est pas l'ouvrière, gym tonique. Voilà. Elles font le dimanche matin, c'est pas ça qu'elles font. Elles sont pas devant l'écran à regarder la télé. Elles font tout le travail de la maison. C'est vrai que c'est les classes moyennes et puis le début des jeunes bobos. Quoi. C'est la trentaine. Hein. Ils ont entre 20 et 40 ans, en gros, nos clientes. Et c'est celles qui ont envie de garder une ligne épatante tout en s'amusant. Et aussi, celles qui sont chez elles, elles se rendent compte qu'il faut bouger, qu'il faut bouger. C'est vrai que c'est pas marrant de faire de la gym toute seule. Hein. C'est un pince-somme quand même. Ça a généré des invitations aussi. Les copines vont inviter des voisines. Oui. On va faire le dimanche matin devant la télé ensemble. Oui, c'est vrai. Il y avait des groupes de femmes comme ça qui s'étaient constituées pour faire la gym ensemble le dimanche matin. Et puis, elles tournaient une banlieue parisienne où elles tournaient de l'une chez les copines avec une petite restauration après, un petit quelque chose après pour ne pas tout perdre quand même d'un coup. Non, mais c'était un support. Une convivialité. Oui, voilà, une façon de se rencontrer. C'est aussi, c'est vrai que les femmes qui travaillent et qui ont une vie domestique normale, elles ont du mal à passer un peu de temps avec des copines. Il faut qu'elles trouvent une activité pour se donner le droit d'aller faire de la gym, faire la chorale, les machins. Échapper au travail et à la vie de famille pour avoir quelque chose à soi. Vous allez recevoir beaucoup de courriers, hein, énormément, plutôt de femmes. On reçoit un courrier qui, au début, on trouve ça incroyable, formidable. Et puis, au bout de quelques temps, on ne sait même plus ce qu'on doit dire ou penser, tellement il y en a. Ça arrivait par sac posto à France 2. Alors, il y avait des catégories. Il y avait beaucoup de femmes, bien entendu. Énormément d'hommes, ça c'était pour le côté un peu sexy de l'émission, qu'eux trouvaient sexy et nous pas du tout, mais enfin bon. Toujours des lettres extrêmement gentilles, chaleureuses, nous remerciant des progrès qu'ils faisaient. Ah ça y est, j'arrive à lever ma jambe sans courber mon dos. Ah mais vous savez qu'on me le dit que mon dos se tient mieux. Et beaucoup d'enfants qui faisaient des dessins de nous, beaucoup de personnes âgées dans les maisons de retraite et dans les hôpitaux, et énormément de prisonniers. Avec, qui était fou, ou de Davina ou de moi, donc leur cellule était tapissée de photos. Et alors après, il y avait les amoureux de Davina, les amoureux de moi, et notamment, je raconte quelquefois, parce que j'adore ces dessins, un mec qui n'arrêtait pas d'écrire à Davina, « Ma belle brune, tu es la plus belle femme du monde, mais tu es belle, tu es sexy, tu sais, je suis un mec bien, j'y suis encore pour 26 ans, mais c'est bon. » Et à la fin de sa lettre, toutes ses lettres se terminaient « Ma Davina, je t'embrasse », et ça se terminait par « 10 saluts à l'autre ». Et l'autre, c'était moi. Donc ça, c'était... Bon, alors maintenant, c'est le moment de folie. C'est le moment où on se défoule, on y va à fond. C'est le jogging. Allez, avec la musique, on y va. Alors, ça va quand même susciter une polémique, hein, cette fameuse émission Gym Tonique. Il va même y avoir un droit de réponse. Parce que, tout d'un coup, certains disent, cette émission, elle est dangereuse, les gens se font mal. Est-ce que vous vous souvenez de ça, Pascale Brogniaud? Et donc, bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais elles doivent, en même temps, montrer leur diplôme. C'est vrai qu'elles avaient, des concurrents qui auraient bien voulu être à leur place. La concurrence dans les métiers, elle est terrible. Les professionnels de la profession qui trouvent un créneau à l'antenne, en général, ils sont attaqués par tous leurs rivaux. Et bon, on a eu donc cette attaque, mais bon, l'une des deux avait parfaitement ses diplômes et il n'est jamais rien arrivé. Donc bon, On a fait des DVD, etc., qui sont vendus. Bon, j'ai voulu que Antenne 2 fasse des produits dérivés. J'ai tout mis en branle, impossible. C'était le service public et ça ne les intéressait pas. À cette époque-là, vous vous rendez compte, tout ce qu'on a perdu, quoi. Parce que, en plus, nous, on était ric-rac pour l'émission. L'émission, elle coûtait plus cher qu'une petite émission de plateau, parce qu'on avait de la technique. Vraiment, on avait 5 caméras, on avait la lumière, tout. Et donc, j'étais folle de rage. On a ramené des marques, on a ramené pour des maillots, pour des gens. Ça ne les a pas intéressés. Oui, mais on a été embarqués, oui et non, mais c'était automatique. Toutes les deux secondes, il y avait une demande à France 2. Donc, on décidait qu'est-ce qu'on acceptait, qu'est-ce qu'on n'acceptait pas. Et on a fait tout ce qui nous ressemblait. C'est-à-dire des vêtements de gym, c'était logique. On a choisi les tissus antitranspirants. Ensuite, il y a eu des poupées parce qu'il y avait tellement d'enfants qui nous regardaient, mais tellement. Ce qui a été d'ailleurs le plus gros succès de tout ce qu'on a pu faire. Après, il y a une ligne de basket. Après, on a fait une publicité pour une marque de voiture. Si on s'était laissé emporter, on aurait été alors au cul de tous les autobus pour le cochonou allégé. On a eu des propositions extraordinaires quand même. Et on a pratiquement tout refusé. C'est vrai qu'en quelques années, elles sont devenues mais des vraies vedettes. C'est-à-dire qu'elles plaisaient à tout le monde. Tout le monde était devant sa télé. En train d'essayer de suivre les émissions, les enfants, les adultes et les grands-mères qui essayaient de bouger un peu les bras. Il y avait un truc, personne n'avait jamais fait ça, personne n'avait jamais vu ça. Et on est parti à Los Angeles, avec France 2, pour faire un show à l'Athletic Club de Los Angeles, qui est un souvenir extraordinaire. Et on s'est retrouvé avec tout le staff et toute l'équipe de Jane Fonda. Donc c'était magnifique. Et à la fin de notre show, on est arrivé avec des boucles d'oreilles en forme de tour Eiffel pour jouer le jeu, les deux Frenchies qui arrivaient. Et on a eu un énorme succès. Les Américains étaient fous. Ils avaient mis des écrans de télévision partout dans l'espèce de showroom où on a fait notre show. Il y avait plus de 200 journalistes. Et sur les écrans de télévision, partout, c'était des images de Gym Tonic diffusées dans tous les sens qui passaient. Donc franchement, c'était fun comme c'est pas possible. Eh bien, ils ont quand même trouvé le moyen à la fin de ce show de venir nous voir et nous demander si on voulait pas travailler dans le walk-out de Jane Fonda. Alors ? Bah, c'était impossible. On était à Paris, des contrats de tous les côtés, c'était injouable. C'était votre premier cours, et bien bravo. Je pense que vous allez avoir des courbatures, alors ne vous inquiétez pas surtout. Puis si vous avez plein de questions à nous poser, écrivez-nous. Voilà, Véronique a raison, écrivez-nous. Nous attendons vos lettres et nous répondrons à toutes sans exception. Exactement. À dimanche. Au revoir. À dimanche, au revoir. Merci à Véronique de Villèle, Béatrice Augier, Pascal Brugnot, Marie-Christine Debourse, Marie-Claude Martine et Régine Cano qui a travaillé avec son mari Sylvain Cano pour le magazine Vital. Merci également à Davina Delors qui n'était malheureusement pas disponible au moment du tournage de ce documentaire. Archivina, Aurélie Marseille. Extrait du magazine Vital, décembre 1981. Une enquête de Anne Washington. Prise de son, Yann Frécy et Yves Lehors. Mixage, Jean-Michel Coqui. Gym Tonic, La fièvre du dimanche matin. Un documentaire de Séverine Yattard et Véronique Samouilov. Demain, nous continuons et nous terminons cette histoire du sport féminin en nous intéressant à la naissance du sport féminin au tournant du 19e et du 20e siècle. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez également y laisser vos commentaires, ainsi que sur le groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire sur Facebook.